compte surtout, c'est de retenir qu'on a ces pupilles-là. Et puis, on a des enfants qui sont considérés, non pas comme étant sous la tutelle de l'institution, mais qui sont sous sa protection. La différence est absolument essentielle, parce que ça veut dire que la tutelle reste aux mains des parents. Donc, c'est les enfants qui sont temporairement confiés à l'assistance publique. Ces catégories d'admission temporaire évoluent tout au long de la Troisième République, mais ce n'est pas tellement l'objet aujourd'hui. Et puis, vous avez les enfants qui sont momentanément confiés à l'assistance publique par le juge. Hein, par exemple, en attente d'un jugement. Ce qui me permet d'ajouter une catégorie que j'ai oubliée tout à l'heure, c'est celle des moralement abandonnés, qui, eux, sont des enfants confiés par le juge à l'assistance publique, mais non pas de façon temporaire, mais de façon relativement définitive, puisqu'en réalité, les parents peuvent faire une demande pour se voir restituer leurs enfants, mais ça n'est pas automatique. Donc, ils peuvent, si les parents ne manifestent plus, ils restent au sein de l'assistance publique. J'ai voulu faire cette distinction pour être clair et je me rends compte que je vous en brouille peut-être un peu trop. Donc retenons juste cette distinction pupille et enfant sous la protection de l'assistance. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont donc ces enfants placés sous la tutelle de l'assistance publique parce qu'à partir du moment où l'abandon a eu lieu, les parents sont théoriquement, sans les parents biologiques, sont privés totalement de leur autorité sur les enfants. Hein, c'est bien ça, l'abandon en termes juridiques, c'est le transfert de la tutelle des parents de naissance à l'institution, à l'État, représentée par l'assistance publique. Alors, qu'est-ce qui deviennent ces enfants? Ces enfants, en fait, il y a une longue tradition sur laquelle je reviendrai dans un premier temps, qui consiste à les confier à des familles qui ont eu des noms différents. On a parlé de famille nourricière, on a parlé de famille gardienne, on parle désormais de famille d'accueil. Bref, ce sont des familles qui sont pensées comme étant des familles de substitution auxquelles on va effectivement confier ces enfants recueillis à Paris. Ces familles, elles sont essentiellement placées à la campagne, et c'est là aussi une longue tradition de l'assistance publique en France, pas seulement à Paris, mais c'est une tradition hexagonale. Ce qui nous met d'emblée devant une particularité française, c'est d'une certaine manière le choix qui est fait très précocement, en fait dès le XVIIe siècle quasiment, sur l'éducation des pupilles dans un milieu familial de substitution et non pas dans des structures collectives de type orphelinat. Alors, évidemment, ce qui m'intéresse là, ce sont ces familles nourricières. Parce que ces familles nourricières, à qui on confie donc les pupilles, sont dans une situation relativement paradoxale par rapport à ce qu'on peut imaginer habituellement du rôle parental. Pourquoi ? Eh bien parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, à ce qu'on connaît d'une certaine manière des liens, des rapports de parentalité, ce rapport qui existe entre les familles nourricières et les pupilles ne repose pas sur une filiation, qu'elle soit réelle ou fictive, comme dans le cas de l'adoption. Là, c'est simplement le fait du placement, qui ne crée absolument aucune forme de filiation, qui va être générateur d'un rapport du nourricier aux pupilles, qui sera un rapport de parentalité. Mais à aucun moment n'existe la fiction que ces familles d'accueil seraient des familles au sens légal du terme pour ces enfants. Néanmoins, ce qui est tout à fait paradoxal peut-être, c'est que dans les discours de l'assistance publique, avant même la Troisième République en réalité, c'est que l'assistance publique parle en permanence d'adoption, qu'il faut entendre cette fois au sens non pas légal, puisque d'abord jusqu'en 1923 il n'y a pas d'adoption de mineurs possible, mais évidemment au sens symbolique, au sens peut-être social du terme, c'est évidemment un des aspects qu'on va étudier et questionner. Donc une parenté d'une certaine manière irresponsable, officieuse, et puis subordonnée à l'autorité de l'administration, qui a en permanence la capacité de déplacer l'enfant. Hein, pour son intérêt, elle peut prendre cette décision d'envoyer, de changer l'enfant de famille nourricière. Alors, les questions qui me semblent importantes de souligner, c'est quelle est la particularité donc, de ce lien qui existe entre les familles nourricières et ses enfants, sachant que le modèle nourricier n'est pas original pour l'époque. Vers 1860, on considère que à peu près la moitié des nourrissons parisiens sont confiés à des nourrices, que ce soit des nourrices qu'on appelle sur place ou des nourrices à emporter. C'est le terme exact, hein, les nourrices sur place ou à emporter, c'est-à-dire les nourrices à emporter, c'est les enfants qui sont confiés à des nourrices, mais les nourrices viennent dans la famille. C'est le modèle des familles bourgeoises parisiennes. Et puis vous avez le modèle qui est donc le modèle sur place, Hein, c'est la nourrice qui prend en charge un enfant, mais chez elle. Voilà les deux modèles. 1 sur 2. Donc, d'une certaine manière, les enfants d'assistance publique ne font pas exception. Ils sont confiés à des nourrices comme beaucoup d'autres enfants. Néanmoins, la particularité vient sans doute du fait que, encore une fois, alors même qu'elles sont payées, ces familles, on attend d'elles une sorte de dévouement désintéressé. Elles sont à la fois stipendiées et parfois critiquées pour ça, en tout cas soupçonnées hein, d'être mues uniquement par la famille. Hein. Et en même temps, on attend d'elles qu'elles fassent plus que ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui est payé pour rendre un service, c'est-à-dire créer un véritable lien affectif, voire faire entrer l'enfant dans la succession et un éventuel héritage, etc. Donc c'est tout à fait particulier qu'on attende finalement plus que ce qu'on attend des autres nourrices à cette époque-là. Et puis, pour terminer cette trop longue introduction, je voudrais d'emblée poser la question de l'effet que peut avoir l'arrivée de ces enfants dans les familles nourricières, et plus exactement dans les communautés rurales où ils sont placés. Et on verra que certaines de ces communautés rurales, ou de ces régions de France, ont été profondément marquées par cette histoire du placement des pupilles, à tel point que, par exemple, dans certains départements du Morvan, aujourd'hui, ça fait partie très fortement de l'identité culturelle et historique des populations. Il y a un musée en 2016 qui a ouvert, hein, sur le musée des pupilles d'assistance publique et des nourrices. Et on voit bien comment cette histoire-là a marqué profondément un certain nombre de territoires. Voilà. Alors, premier point, je vais très rapidement revenir sur le modèle de l'assistance publique. Est-ce que c'est un modèle adoptif? Est-ce que ce modèle nourricier est un modèle adoptif? Et puis le deuxième point, j'irai voir là au ras des placements en voyant les enfants dans leur famille nourricière, qu'elles voient, hein, ils entretiennent au jour le jour avec ses parents dits de substitution. Un point très rapide sur mes sources, je travaille essentiellement sur les dossiers individuels des pupilles d'assistance publique, qui sont des sources vraiment très intéressantes parce que... Bonjour, excusez-moi, je suis en train de réserver la salle. Ah. Pour 17h30. Nous, de 17h à 20h. Ah bon? 513. Oui. De 17h30 à 19h30. Bon. Vous êtes sûr que c'était de 17h30 à 20h? Enfin, de 17h à 20h, oui. Donc je reprends juste rapidement pour les sources. Donc c'est les dossiers individuels des pupilles, dans lesquels sont consignés notamment les correspondances entre les pupilles et les directeurs d'agence qui sur place sont les représentants de l'administration parisienne et qui, dans les campagnes, en province, gèrent le placement des enfants et représentent l'administration parisienne. Correspondance entre les nourriciers et ses directeurs d'agence. Il est parfois évidemment question qui nous intéresse également pour juger le rapport avec les pupilles. Et puis correspondance aussi des pupilles avec leurs nourriciers une fois qu'ils sont placés à gage, c'est-à-dire sortis de cette famille nourricière initialement, ou bien après leur majorité, lorsqu'ils sont émancipés de l'institution, où les relations, notamment épistolaires, peuvent continuer. Tout ça continue à être archivé dans les dossiers. Parfois, on se demande d'ailleurs comment certains courriers finissent. Par exemple, on trouve des courriers destinés aux nourriciers. C'est assez curieux d'imaginer le trajet qu'il peut y avoir ce courrier, passer du nourricier au directeur d'agence qui l'a rangé dans le dossier. Mais ça arrive, on trouve certainement de ces cas. Et puis, évidemment, la traditionnelle littérature administrative, hein, les rapports qui sont produits, notamment les rapports d'inspection, les rapports des directeurs d'agence sur les enfants dans leur placement, puisque une fois qu'ils sont dans leur placement, l'administration les surveille étroitement, surveillance administrative, surveillance médicale, des médecins font des tournées, et puis les directeurs d'agence viennent les voir, ces enfants, pour juger de leur bien-être, éventuellement des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans les relations avec les nourriciers ou avec d'autres enfants. Donc, premier point, ce modèle du placement. Alors, j'ai évoqué une longue tradition historique du placement rural dans la prise en charge des enfants abandonnés en France. Alors traditionnellement, on fait remonter à Saint-Vincent-de-Paul l'initiative de 1638, hein, cette tradition, mais c'est vrai que quand on est assez frappé par le fait qu'effectivement un certain nombre de marqueurs forts de cette prise en charge de l'enfance malheureuse sont dès l'époque largement plantés. Hein, et notamment cette idée qu'il faut envoyer les enfants chez des nourrices à la campagne. Non, c'est pas nous. Alors, ces enfants, à l'époque de Saint-Vincent-de-Paul, en réalité, les enfants qui sont abandonnés à Paris sont confiés à des institutions hospitalières, et notamment à un hôpital qui s'appelle l'hôpital des enfants trouvés, qui va rassembler toutes les institutions parisiennes qui recueillaient telle ou telle catégorie d'enfants délaissés. Donc je passe ces détails-là, mais c'était bien une institution hospitalière. Sauf qu'en réalité, on se rendait compte très très vite qu'il y avait une mortalité terrible dans les hospices et qu'on attribuait notamment au fait qu'on n'avait pas suffisamment de nourrices au sein sur place, hein, et donc il fallait aller les trouver là où il y avait potentiellement des femmes qui pouvaient nourrir au sein ces enfants-là, c'est-à-dire dans les campagnes proches de Paris, où il y avait des populations paysannes qui avaient besoin d'un appoint de rémunération et donc qui serait favorable à prendre ses enfants contre rétribution pour les nourrir. Et donc le premier modèle de Saint-Vincent-de-Paul, c'est le placement familial nourricier à la campagne, mais uniquement dans la petite enfance. Ensuite, les enfants ont vocation à revenir à Paris. Et puis pour plein de raisons, on se rend compte que ce déracinement, ce second déracinement est mauvais à ce point de vue, notamment parce que on se trouve avec des enfants dont on ne sait pas quoi faire une fois qu'ils sont en âge d'apprendre un métier par exemple. En fait, ils ne revenaient pas tout à fait à la petite enfance, certains revenaient un peu plus tardivement, et puis ils avaient déjà pris le pli campagnard, si je veux dire, hein, à 6 ans, on les envoyait avec les plus grands garder des troupeaux, des choses comme ça, et donc on disait, mais pourquoi ne pas les laisser dans des campagnes qui commencent déjà, on ne parle pas évidemment encore des rurales à la fin du XVIIe siècle, mais on a déjà la problématique de certaines régions rurales qui commencent un peu à se vider, on se dit, bah, c'est pas si mal que de laisser des enfants sur place. Les enfants des familles, on va rester sur place. Donc voilà comment se constitue ce modèle. Alors, il se renforce avec, en 1760, la décision que désormais ces placements ruraux dans les familles nourricières, ont vocation à durer jusqu'à la majorité, donc cette fois c'est officialisé. Et au cours du 19e siècle, le système, là aussi, se modernise par la création d'une forme d'administration pour encadrer ces placements nourriciers. Pourquoi ? Parce que jusque-là, en gros, vous aviez les intermédiaires qu'on appelait les meneurs et les meneuses, qui s'occupait de placer ses enfants, ses petits parisiens, dans les campagnes, mais il n'y avait pas aucun regard de pouvoir public sur l'activité de ces meneurs. Et donc il y avait un certain nombre d'abus, dont le plus grave était, enfin, en tout cas le plus grave dans les dénonciations que font les responsables publics, la manœuvre qui consiste à ne pas déclarer le décès d'un enfant avec la complicité du meneur, pour continuer à être payé alors même que l'enfant, en fait, est mort. Et donc, l'administration, en 1819, crée un corps d'inspecteurs, si vous voulez, des placements, qui sont les ancêtres de ceux qu'on appellera bientôt les directeurs d'agence, lorsque va naître l'assistance publique en 1841. Là, si vous suivez le truc, mais bon, en gros, il y a un encadrement plus étroit qui se développe au 19e siècle. Sous la Troisième République, ce modèle du placement nourricier se renforce sous plusieurs influences. La première influence, c'est l'héritage historique, ça marche, donc on continue à le faire. La deuxième influence qu'il faut absolument noter, c'est l'espoir d'une intégration progressive de ces enfants. Donc on dit, oui, la famille substitutive, c'est le modèle qui compte, parce qu'on va attacher les enfants à une famille dans laquelle ils vont faire souche. Troisième facteur qui renforce ce modèle du placement nourricier rural, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure pour le XVIIe siècle, mais qui évidemment est là nettement renforcé depuis. Enfin, c'est la lutte contre les déserts. Ça devient vraiment prégnant dans les discours des responsables de l'assistance publique parisienne. C'est de dire vraiment, on va d'une certaine manière mettre un monde rural qu'on voit dépérir sous perfusion en y installant des enfants venus de la ville. Et puis le dernier facteur essentiel, c'est le facteur qu'on peut appeler le modèle régénérateur de l'assistance publique sous la Troisième République. Ce modèle régénérateur, il a une double valeur. C'est la régénération physique. Alors là, je ne sais pense que c'était pas la peine de trop développer, hein, c'est tout. On ouvre le tiroir là, de la lutte contre la dépopulation, la lutte contre les fléaux sociaux, etc., avec évidemment les vertus de la terre, du placement de l'arbre, etc. Et puis la régénération morale, avec cette idée que l'enfant placé à la campagne quitte un monde urbain qui porte tous les maux de la société industrielle et urbaine. Hein, on l'éloigne d'un milieu marqué par l'alcoolisme, la tuberculose, la syphilis et compagnie, et on l'envoie dans cette France rurale où il sera témoin de la dureté du labeur pour gagner son pain quotidien, il sera éloigné de tout goût du luxe, etc. Mais je crois que tout ça, c'est peut-être pas la peine. J'ai plein de citations formidables, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est archipélé tout ça. Bon. Non, mais il y a des mots absolument délicieux hein, à ce propos-là, quand même, sur ce thème de la régénération. Enfin, là, par exemple, Paul Strauss, un des grands noms de la protection maternelle et infantile sous la Troisième République, dit exactement ça, dit à la campagne, l'enfant assisté est témoin du courage qu'il faut pour gagner son pain. Là, il est dans une famille plus stable que la famille urbaine. C'est aussi comme on commence à dénoncer comme une évolution néfaste de la modernité dans les milieux urbains en particulier, le divorce. Et quand on regarde les chiffres, c'est dérisoire. Mais vous avez des écrits dès les années 1900 de responsables de la société qui disent voilà, c'est la preuve que la famille urbaine, c'est la fin de la famille, en fait. Hein. Et donc, il y a vraiment cet espoir de régénérer ses enfants tout en qui permettront la régénération du public. Bien. Et puis, dernier point. Évidemment, cet éloignement et cet enracinement dans la famille nourricière, c'est le corollaire de la rupture qu'on pense définitive avec les parents d'origine, dont on pense effectivement qu'ils auraient une influence délétère. Ce qui explique que, par exemple, le placement, le lieu du placement nourricier reste secret. Les parents qui ont abandonné un enfant à l'assistance publique peuvent demander des nouvelles. On leur redonne tous les 3 mois. S'ils demandent, ça se limite à la question de savoir si l'enfant est vivant ou mort, et en aucun cas on ne leur dit où l'enfant est placé. Derrière cette idée d'une rupture, il y a évidemment l'idée qu'il faut permettre la régénération, et donc si on permet aux parents, à un moment ou à un autre, de faire intrusion dans la nouvelle vie des enfants, on pense que tous les efforts de régénération vont être ruinés. Et puis il y a aussi, alors ça a donné lieu à des pratiques parfois extrêmement dur. Par exemple, en 1827, donc vous voyez, avant même la Troisième République, il y avait cette crainte que certains parents puissent abandonner, certaines mères puissent abandonner un enfant à l'assistance, et puis ensuite le récupérer en se portant candidate à un emploi de nourrice. Et donc on a déplacé tous les enfants de l'assistance parisienne, on les a changés de placement, en gros, on a rebattu les cartes pour se dire, voilà, désormais, si jamais certaines avaient réussi savoir où étaient leurs enfants, voire à le prendre elles-mêmes en pension, c'est terminé. Il y a des très beaux discours de Lamartine, notamment de l'époque, pour dénoncer cet acte de cruauté. On peut imaginer, c'est des dizaines de milliers d'enfants qui, du jour au lendemain, sont changés de famille entière. Donc il y a des pratiques comme ça qui témoignent bien de cette volonté, véritablement, de rompre totalement le lien entre l'enfant et sa famille d'origine. Donc voilà ce qui renforce, d'une certaine manière, ce mouvement, avec, j'insiste encore, c'est que je me répète, mais avec cette idée, encore une fois, que ces parents de substitution, parents nourriciers, sont certes rémunérés, mais on attend d'eux, sont rémunérés et irresponsables d'un point de vue légal, puisque elles restent aux mains de l'administration, mais on attend d'eux qu'ils deviennent des parents adoptifs. Et le terme, je le répète, est utilisé, y compris par les juristes de l'assistance médicale. Émile Alcindor, par exemple, fait un traité extrêmement précis sur le statut de l'enfant abandonné. Par contre, lorsqu'il parle du lien entre les parents nourriciers et les enfants, il parle d'adoption, même que c'est aberrant d'un point de vue légal, puisque encore une fois, la loi ne permet même pas l'adoption de l'enfant. Alors ces parents nourriciers, ils sont effectivement, je l'ai dit à plusieurs reprises, payés. Ils sont payés, mais en réalité, il faut regarder de près le statut. Pas reprendre la thématique à propos de la question de l'argent, là, de fait, j'en ai vécu. Mais il faut regarder de près le statut de, cette, de ces sommes d'argent qui sont versées. Ce n'est pas un salaire. C'est, ça, ça s'appelle très précisément une pension dans les règlements de l'assistance publique. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui fait de ces nourriciers des professionnels. Ils ne sont pas salariés. Ils sont pas, on ne leur demande aucune qualification. Et on ne leur reconnaît pas le statut, encore une fois, d'auxiliaire, hein, d'employé du service des enfants assistés de la SAD. Ils sont candidats, recrutés par les directeurs d'agence, et ils se voient défrayés, d'une certaine manière, pour les frais qu'ils vont engager pour nourrir, vêtir, faire soigner les enfants. En fait, c'est seulement en 1977, très tardivement, que va commencer le processus de professionnalisation des familles d'accueil pour les enfants qui ne sont plus les enfants de l'assistance à cette époque-là, mais les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et là, en 1977, c'est reconnu avec un statut de salarié, avec aussi des formations, hein, et puis des listes d'aptitudes et des qualifications qui seront comme des diplômes pour pouvoir prétendre à la famille d'accueil. Mais vous voyez que ça sera très tardif. Alors, ces familles, elles touchent des pensions dont on peut considérer qu'elles sont faibles. Quand on regarde les montants, j'allais un peu vite sur ces chiffres-là, mais pour vous donner une idée simple, la première idée, c'est que la compensation financière que représente la pension est d'autant plus importante que l'enfant est jeune. En dessous de 2 ans, l'administration considère, un, qu'un enfant nécessite plus d'attention, plus de soins, et surtout que sa vie est plus fragile, et d'une certaine manière, il faut mettre le prix pour sa survie, et donc la pension va être plus importante. Et puis ensuite, ça va de façon dégressive. Par exemple, en 1974, une nourrice touche 18 francs par mois, une nourrice de l'assistance publique parisienne, parce que les prix ne sont pas les mêmes selon les départements. Donc, c'est important, j'y reviendrai dans un instant. 18 francs par mois pour un enfant de 22 ans, 12 francs pour un enfant de 2 à 9 ans, et seulement 6 francs par mois pour un enfant de 9 à 13 ans. En fait, c'est vraiment très très faible. Pourquoi est-ce que c'est si faible? Je vais vous dire dans un instant une idée de ce que ça peut représenter en termes de pouvoir d'achat, si vous voulez. Mais juste une remarque sur la faiblesse de ces pensions. Je pense qu'il est important là, de faire un détour quart de seconde par une histoire politique. 1874, on est encore dans la période de l'ordre moral, c'est-à-dire une république conservatrice. Et c'est important, pourquoi? Parce que la municipalité parisienne, le conseil départemental de la Seine sont encore aux mains des conservateurs en réalité. Et la génération nouvelle, qui est celle proche des idées radicales, même si le parti radical n'existe pas encore, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais ces nouveaux hommes politiques et donc administrateurs parisiens vont arriver seulement après les années 1880. Et donc, en fait, pour l'assistance publique, quelle incidence? Eh bien, c'est qu'on est encore sur un modèle de la charité. On considère d'une certaine manière que ce qui fonde l'action sociale en faveur des déshérités, c'est le modèle charitable. Et donc, ça justifie ces salaires faibles ou ces pensions faibles, parce qu'on considère que un nourricier ne saura bien s'occuper d'un enfant abandonné que si, d'une certaine manière, il le fait par charité et non pas en contrepartie d'une rétribution. Alors, vous me direz, c'est un argument assez facile pour faire des économies. Oui, c'est vrai, c'est un argument assez facile pour faire des économies, et c'est d'ailleurs sur ça que les premiers élus radicaux parisiens vont attaquer l'ancienne génération d'administrateurs du service parisien. Alors, ça, c'est intéressant parce que on observe un relèvement général des pensions versé par le service parisien en 1884, et on monte à ce moment-là, pour les mêmes catégories, hein, 2 ans, 2 à 9 ans, 9 à 13 ans, à respectivement 30, 18 et 17 francs par mois. Ce qui reste faible, ça représente à peu près entre un tiers et la moitié des gages d'une domestique du plus bas niveau, hein, à peu près un tiers, mais vous voyez que ça n'est pas négligeable. C'est, encore une fois, je parle d'un salaire d'une bonne à tout faire ou d'une servante de fer, hein, mais vraiment dans le tout en bas de l'échelle de la domesticité, et un tiers à peu près de ces salaires. C'est d'autant cette faiblesse des pensions n'empêche pas que c'est un complément de rémunération important, parce que quand on regarde les campagnes qui recrutent, ou sont recrutées ces nourriciers, on voit que c'est des campagnes qui sont des campagnes pauvres, c'est-à-dire des campagnes qui ont échappé qui n'ont pas pu se mettre dans, prendre le train au sens propre du terme de la commercialisation agricole et donc de la spécialisation, avec la possibilité par la voie ferroviaire de se spécialiser dans une culture particulièrement rentable. Et donc évidemment, les départements du Grand-France sont là encore une fois tout à fait exemplaires de ce point de vue-là. Et puis on a affaire dans ces campagnes pauvres aux classes paysannes les plus pauvres, qui sont candidates ces emplois de famille nourricière. Et puis, autre remarque importante, c'est ce complément de rétribution est d'autant plus important qu'on a affaire à des campagnes où jusqu'à la pré-Seconde Guerre mondiale, les échanges sont très peu, se font très peu en numéraire. Et donc, là, on a une source de revenus monétaires, en espèce selon les échanges pour ces familles-là. Alors, ces familles nourricières, elles ont des compléments de rémunération. À côté de cette rémunération en espèces, vous avez une rémunération en nature, qui sont en fait des compensations aux frais que pourraient engager les nourriciers pour les enfants. C'est-à-dire d'abord un aliment, donc une vêture, c'est-à-dire un ensemble de vêtements fournis par l'administration, avec encore cette idée qu'il faut éviter à tout prix que la famille nourricière soit tentée de rogner sur la rétribution des dépenses d'aliments, et donc qu'on aurait des pupilles mal habillées, trop peu chaudement pour l'hiver, etc. Donc on préfère leur donner un trousseau en nature. Vous avez des primes de survie qui sont versées aux 15 mois de l'enfant. Vous avez des primes de réussite scolaire au moment si l'enfant réussit à avoir son certificat d'études. Bref, vous avez un certain nombre de gratifications qui accompagnent, d'une certaine manière, les réussites de ces familles nourricières. Néanmoins, c'est un topos littéraire que de dénoncer la cupidité des nourriciers. On détaillé à Fécondité de Zola, par exemple, 1899, on voit très bien ces nourrices qui ne sont attirées que par l'argent et ont même tendance à faire mourir assez vite leurs nourrissons du fait de la dégressivité des pensions. C'est plus rentable, vous l'avez compris, d'avoir un enfant jeune. Donc une fois qu'il a atteint les 2 ans, bah, ça arrange ces figures littéraires de nourrice sans scrupules que d'en reprendre un plus jeune plutôt que de continuer avec celui qu'elles avaient. Donc pas tellement embêtées de les voir mourir. C'est un des topoïs littéraires, c'est aussi un des lieux communs des rapports des médecins de campagne, et notamment des médecins qui sont rattachés à l'administration parisienne. Alors là, il y a la fameuse enquête de Charmoneau ou de Brochard qui dénonce cette cupidité des nourrices. Et puis, lorsque, sous la Troisième République, de grandes lois de rénovation de l'assistance à l'enfance sont élaborées, eh bien, on revient sur cette question-là, mais d'une manière tout à fait intéressante. Parce que, à ce moment-là, les fameux nouveaux hommes nouveaux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ces nouveaux administrateurs et élus parisiens proches du radicalisme, vont faire, d'une certaine manière, au moins en théorie, tomber une vieille prévention contre les nourriciers en disant, je résume, oui, ils sont payés, et alors? C'est ce que dit très clairement Paul Faux, c'est ce que dit Henri Monod, c'est ce que dit Gustave Mesureur, c'est ce que disent finalement tous les responsables parisiens, tous les élus et administrateurs parisiens qui vont fabriquer cette nouvelle assistance à l'enfance, en disant, mais oui, ils sont payés, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont être de mauvais nourriciers, c'est pas pour ça qu'ils ne vont pas être capables d'un attachement affectif aux enfants. Ils sont payés, et c'est la raison d'être du contrat de nourricier. Pour eux, c'est la raison d'être. Donc, n'ayons pas de scrupules à ce qu'ils soient justement rémunérés. Oublions cette vieille lubie des conservateurs que tout acte d'assistance doit être un acte charitable. Non. Pour nous, et là on retrouve les théories du solidarisme, l'assistance n'est pas fondée sur la charité individuelle, elle est fondée sur un système de solidarité sociale. Et donc il se libère ainsi d'un point de vue théorique de ces scrupules qu'il pourrait y avoir à augmenter les salaires et à assumer le fait qu'on paye des gens pour devenir des parents de substitution. Ce qui justifie en réalité, quelque chose qui est très important à leurs yeux, c'est le relèvement général des pensions versées aux nourriciers, qui est donc généralisé par la loi, ce relèvement général, qui permet à leurs yeux deux choses. Un, la survie des enfants, parce que du coup on décourage les nourriciers à rogner sur toutes les dépenses de soins et d'entretien des pupilles. Deuxièmement, avec une rémunération juste, l'administration conquiert, aura moins de mal à imposer un droit de regard sur ce qui se passe dans les familles. Une juste rétribution, mais la contrepartie, c'est une surveillance et un contrôle étroit. Et troisièmement, une juste rétribution qui permet, dans le projet éducatif de l'assistance publique, d'imposer la fréquentation scolaire. Puisqu'il n'y a plus de jus de rien. Aucune excuse à mettre un enfant au travail, alors que les pensions sont suffisamment élevées. Bien, donc voilà pourquoi comment se fabrique ce modèle. Néanmoins, j'insiste sur le fait que même s'il y a une sorte de nouveau regard, moins suspicieux porté sur ces familles nourricières rétribuées, en réalité, on continue à avoir une assistance publique qui se montre en permanence ambiguë quant au rapport qu'elle a avec ses familles nourricières. C'est-à-dire qu'elle est débarrassée de cette suspicion qu'elle ne serait intéressée que par le gain. Mais en même temps, l'assistance publique continue à dire « Nous sommes la puissance tutélaire et nous avons, en quelque sorte, toute latitude, si nous jugeons que c'est l'intérêt de l'enfant, de séparer le pupille de la famille nourricière qui l'a accueilli. » Et c'est très important de voir que, malgré la clarification des rapports de l'administration avec les nourriciers, de voir que l'assistance publique garde en tête l'idée que le placement n'est potentiellement que provisoire, parce qu'en réalité, au moment même où se déroule cette évolution-là, le modèle commence à être menacé. Et il est menacé par quoi, ce modèle ? Il est menacé par ce qu'on a appelé la crise de l'industrie nourricière, ou le déclin des nourrices, ou la disparition des nourrices. Ça commence dès avant la guerre de 14, ce phénomène-là. De moins en moins de femmes sont candidates pour prendre des nourrices, que ce soit pour les enfants d'assistance ou pour les autres enfants. Ce déclin des nourrices, et en particulier de celles qu'on appelle les nourrices au sein, par opposition à celles qu'on appelle les nourrices sèches, qui nourrissent, elles, au biberon, qui donc, pour les médecins, étaient de moins bonnes nourrices parce que les risques de mortalité infantile étaient plus élevés avec les nourrices sèches. Cette disparition a pour corollaire de nouvelles pratiques de l'assistance publique qui, là où elle avait comme doctrine de dire nous payons nos nourriciers, mais nous essayons de réaliser un véritable ancrage familial. Le corollaire, c'était d'essayer au maximum de trouver un placement qui soit le même dès l'entrée de l'enfant au sein de l'institution jusqu'à la sortie. En gros, l'idéal, c'était de confier un nourrisson à une nourrice au sein attribuée par l'assistance publique. Lorsque l'enfant arrive à 13 ans, il doit commencer à apprendre son métier, donc il doit être placé en apprentissage ou placé à gage, qu'il le fasse dans la même famille. Cette stabilité était au cœur du projet de l'assistance publique. Sauf qu'avec cette pénurie de nourrice au sein, eh bien on va avoir de plus en plus d'agences qui vont, en quelque sorte, spécialiser un certain nombre de nourrices dans le premier âge, voire créer des centres d'élevage pour les enfants du premier âge. Le placement en famille d'accueil ou en famille nourricière n'intervenant que dans un second temps. Donc vous voyez qu'en réalité, face à l'évolution économique et sociale, et en particulier de cette industrie nourricière, l'assistance publique doit, dès avant la guerre de 14, et la guerre accentue encore plus cette évolution, doit renoncer en quelque sorte à son modèle idéal de la nourrice définitive, hein, qui serait la première jusqu'à la majorité de l'enfant. Mais qui était quelque chose de pratiqué, je suis désolée de... Oui, c'était permanent. C'était pas juste un idéal, quoi. Quand on regarde le dossier, les gens restent... Ouais. Ouais. Alors, ce qui n'empêche pas les changements de famille nourricière existent avant même cette crise de l'industrie nourricière. Ouais. Mais en réalité, ces déplacements sont soit du fait des demandes de la part des nourriciers. Il y a parfois des nourriciers qui ne veulent plus garder cet enfant, il y Un drame dans la famille, par exemple, la mort du propre nourrisson de la famille, parfois déclenche le fait que la mère ne veut plus s'occuper du nourrisson d'assistance publique. Vous avez parfois des recompositions familiales, par exemple, un enfant de la famille nourricière qui est devenu grand, qui a fondé une famille et qui vient s'installer avec ses parents, parfois avec ses enfants, fait qu'on estime qu'on n'aura plus de place dans la maison, plus suffisamment de récolte pour nourrir tout le monde, et donc on vient, on renonce aux enfants, ou alors pour des questions de mauvais comportement. Lorsque l'enfant, parfois, on a des lettres absolument hallucinantes, hein, des plaintes sur des enfants qui sont vicieux, le terme qu'ils sont utilisés. Alors, vrai qu'on a on parle d'enfants de 3-4 ans. Donc, le vice commence très tôt, et ça justifie parfois des changements de place. Mais, effectivement, ça restait quand même assez rare. Je me rends compte, en fait, je vais pas trop comprendre, donc je vais accélérer un peu pour parler de... point essentiel, c'est donc les enfants dans leur famille nourricière. C'est donc le deuxième point, et sur ce point, je voudrais commencer par insister sur la géographie du placement. Quelles sont les régions concernées ? Alors, les régions concernées, on l'a déjà évoqué, c'est une auréole de campagne, en gros, qui irait du nord de la Bourgogne jusqu'à la Picardie, en passant par les départements à l'ouest du bassin parisien. En réalité, cette géographie, elle a beaucoup évolué au cours du XIXe siècle, puisqu'on avait une prévalence des départements du Nord, et qu'en en fait, au cours du XIXe siècle, l'équilibre géographique des placements de nourriciers par l'administration parisienne se déplace du Nord vers le Sud, c'est-à-dire en gros des départements de la Somme, du Pas-de-Calais, vers les départements de l'Yonne, de la Nièvre, de l'Allier. Là, c'est vraiment sur l'équilibre. Alors pourquoi c'est important ça ? Parce que c'est important parce que ces régions-là, ces départements du Morvan, ont des particularités qui font que la place des enfants qui vont y être accueillis, des enfants d'assistance qui vont y être accueillis, va être assez singulière. Quelles sont ces particularités ? La première particularité, c'est qu'on a affaire à des départements où l'accueil d'enfants étrangers est une tradition forte, un modèle culturel. À juste titre, on peut reprendre le terme. Pourquoi ça a une incidence ? Ça a une incidence parce qu'en réalité, les enfants n'arrivent pas dans des familles qui sont simplement des familles nucléaires, si on veut dire, avec les parents et les enfants. D'abord, ce sont des familles, des familles souches, des familles communautaires, où on retrouve plusieurs générations. On peut retrouver des tantes, des grandes-tantes, des cousins qui vivent sous le même toit, mais aussi des maisonnées dans lesquelles on peut trouver des enfants placés en nourrice, qui ne sont pas des enfants d'assistance. Autrement dit, vous avez, c'est ce que dit Anne Cadoret, une ethnologue qui a travaillé sur ces questions-là, elle dit que vous avez des cercles concentriques de parenté dans ces familles. Vous avez les enfants de la famille, vous avez les enfants de la famille, mais qui ne sont pas les enfants des parents chefs de la maisonnée, c'est-à-dire par exemple des enfants, des frères, des sœurs du ménage principal. Vous avez des enfants, donc ça c'est les enfants de famille, et puis vous avez les enfants placés en nourrice par leurs parents, et puis enfin ces enfants placés par l'assistance publique. Ça a son importance évidemment, aussi, les particularités de ces départements ont aussi son importance pour comprendre la place des enfants dans la communauté en dehors de la famille. On a affaire à des départements qui connaissent très tôt une forme d'école rurale. Et donc, vous avez un exode de quelle catégorie de la population ? La population active, c'est-à-dire la population, en gros, de 20 à 50 ans. Et donc, c'est des départements qui sont, d'un certain point de vue, des départements vieux. Et en réalité, l'afflux de ces enfants d'assistance a un effet d'âge sur la démographie locale. D'abord, parce qu'ils rajeunissent à moyen âge, mais aussi parce que, très souvent, ces enfants font souche, si j'ose dire, et s'établissent sur place, et sont très rarement pris dans les courants des zones rurales, qui entraînent les populations actives de ces départements vers les grandes villes. Et puis, cette particularité sociodémographique de ces départements fait que, contrairement à une idée reçue, les enfants de l'assistance publique ne sont pas forcément des minoritaires ou des marginaux. Anne Cadoret, encore elle, étudie par exemple des villages où entre... c'était un exemple partie des chiffres, un exemple chiffré. Elle étudie un village du Morvan où, entre 1916 et 1954, il y a 244 naissances dans le village. Sur la même période, 264 enfants, donc 20 de plus, enfants d'assistance ont été placés. En fait, vous avez des villages, des cantons, où les écoles sont maintenues parce qu'il y a des enfants d'assistance. Des petites écoles rurales, vous avez une vingtaine d'élèves, vous en avez 15 qui sont des enfants d'assistance. Donc c'est ça, en fait, la réalité de ces placements nourriciers. Alors, ce n'est pas valable, évidemment, pour tous les départements de placement. Mais les départements qui sont fortement marqués par cette pratique de l'assistance publique, encore une fois, comme ceux du Morvan, sont des départements où, d'une certaine manière, un enfant d'assistance peut se sentir comme un poisson dans l'eau. Donc ça a son importance pour comprendre comment ces enfants-là peuvent effectivement faire souche dans ces lieux-là. Alors, je passe sur, parce que j'ai évidemment pas du tout complètement posé le temps qui m'est parti, mais je voudrais juste vous dire un mot de la relation, du lien de parentalité qui s'établit entre ces domiciles et ces enfants. Évidemment, il faudrait convoquer les travaux d'universitaires qui sont attachés à distinguer les différents rôles que recouvre la parentalité. Je pense par exemple à Florence Weber ou à Esther Moody, évidemment, et voir qu'est-ce qui, dans les composantes de la parenté, entre dans les attributions ou dans les comportements effectifs de nos parents nourriciers. Alors évidemment, concevoir et mettre au monde, ce n'est pas de leur ressort. Donner une identité reconnue officiellement, juridiquement, etc., ce n'est pas, encore une fois, les familles nourricières qui s'en chargent. En revanche, nourrir, élever et garantir l'accès à l'âge adulte, notamment par le biais de la formation professionnelle, là, ce sont des fonctions que remplissent les nourriciers. On le voit très bien, notamment, lorsque on étudie de près la façon dont les familles nourricières vont être d'excellents auxiliaires de santé. Là, pour la survie des enfants, c'est extraordinaire. Vous avez, avant la guerre de 14, un enfant de moins d'un an, placé en nourrice, a plus de chances de survivre si c'est un enfant de l'assistance que si c'est un enfant ordinaire, alors même qu'il y a la loi de Roussel de 1974, hein, qui permet une forme de survie sanitaire, mais celle qui est assurée dans les familles des familles nourricières est bien meilleure, parce que, en plus des tournées d'inspection de la part des médecins, vous avez le rôle éminent joué par les nourriciers, qui deviennent, d'une certaine manière, des entrepreneurs d'hygiène dans les campagnes, hein, formés par le personnel de l'administration qui vient en permanence leur inculquer la périculture et les principes de la pédiatrie. En revanche, il faut bien constater que ces enfants restent des étrangers. Anne Cadoret parle d'étranger le plus proche. Ils restent des étrangers dans les familles. Pourquoi ? Ils restent des étrangers parce que il n'y a pas, je répète, de lien. Ils n'intègrent pas, s'il vous plaît, la lignée. Ils sont privés du nom. Même lorsqu'il y a des réussites d'intégration familiale absolument formidables, ils ne sont quasiment jamais inclus dans l'héritage. Donc, on voit, et puis, dernière chose, lorsqu'on regarde les procédures d'adoption qui, à partir de 1923, sont rendues possibles, eh bien, une grande partie des familles nourricières traditionnelles, si je veux dire, c'est-à-dire ces familles que je vous ai décrites, là, ces familles communautaires qui ont une tradition d'accueil d'enfants et qui prennent les enfants d'assistance publique en cascade. Hein, vous avez les mères de famille qui, toute leur vie, avant même qu'elles aient leurs propres enfants, jusqu'à ce qu'elles deviennent veuves et seules, elles auront un pupille d'assistance publique avec elles. Eh bien, ces familles-là ne vont pas être des familles qui vont devenir des familles adoptives. Les familles qui adoptent des pupilles d'assistance publique, c'est un autre modèle. C'est plutôt le modèle du jeune couple qui vit très souvent avec une famille plutôt récente, limitée parfois à la génération précédente, où il n'y a pas de cousins, de tantes, etc. Et donc, c'est ces nourriciers-là qui n'adoptent pas un enfant qu'ils ont eu en tant que famille nourricière, qui adoptent un enfant dont ils ont, dès le début, demandé à l'administration qu'il soit placé chez eux en vue d'adoption. Je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est qu'il y a un autre projet, ce n'est pas des nourriciers qui voudraient légaliser, officialiser un rapport de filiation et de parenté, mais c'est les familles qui ont, dès l'origine, un projet adoptif. Et donc, pour terminer sur cette. Mais pour terminer sur ce lien particulier qui peut exister entre les nourriciers et leurs enfants, on voit très bien comment on reste dans une relation de parenté ambiguë, avec toutes les limites que je viens de décrire, et en même temps, on voit qu'au quotidien, les uns et les autres s'appellent, se dénomment entre eux, comme s'ils étaient de véritables ascendants. On dit maman, on dit papa, on dit mon fils, on dit ma fille, dans ces familles. Et pour autant, il n'y a jamais, ou rarement, de légalisation de ce lien. Pour terminer sur cette question-là, évidemment, on laisse de côté ici, en réalité, un grand nombre de situations où la greffe ne prend pas. Et il est important de souligner qu'un certain nombre de pupilles, rétrospectivement, très souvent après leur majorité, se souviennent d'avoir souffert, de n'avoir jamais été traités comme des enfants de la famille initiale. Et en réalité, il faut évidemment faire aussi cette histoire-là d'enfants qui se sont sentis peut-être l'étranger le plus proche de la famille initiale, mais avant tout étranger, avant que d'être proche de cette famille-là. Et là, évidemment, on a des témoignages qui sont absolument terribles, qui contrebalancent d'une certaine manière cette idée d'un modèle nourricier qui aurait entièrement réussi. Alors, peut-être que je vais m'arrêter là pour la question des rapports et de liens de parenté qui peuvent exister entre ces familles et les enfants d'assistance publique, parce que j'avais dit que je voulais vous montrer un film. Alors, peut-être qu'au cours de la discussion, on pourra revenir sur ces questions du lien de parenté qui était